Qu'est-ce qu'une collection d'art? Qu'est-ce qu'un collectionneur? Qu'est-ce qu'une collectionneuse? Ce seront les questions que nous poserons toute cette semaine, dans cette nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux collections. Cette semaine, en effet, la Fabrique de l'Histoire vous invite à vous approcher des collections d'art dans l'Antiquité. Ce sera jeudi, par exemple, lors du débat. Au 19e siècle, ce sera l'émission d'archives de mercredi. Ou à la fin du 20e, nous vous proposons demain, mardi, un documentaire sur les collections de cadeaux offerts aux présidents Mitterrand et Chirac. Et aujourd'hui, eh bien, en deuxième partie, à partir de 9h30, nous aurons le plaisir de recevoir Julie Verlaine, historienne à Paris au Centre d'Histoire Sociale. Elle a publié il y a quelques mois un beau livre aux éditions Hazan sur les femmes collectionneuses d'art et mécène au 19e et au 20e siècle. Elle viendra nous en parler. Mais dans un instant, nous commencerons cette semaine et cette émission d'aujourd'hui par un entretien avec le romancier cubain Leonardo Padura, traduit pour nous par René Solis. Leonardo Padura, dont le dernier roman Hérétique, paru chez Métellier, est centré sur un tableau de Rembrandt qui parcourt la surface de la Terre bien malgré lui. Tout de suite, jusqu'à 9h30, Leonardo Padura dans la Fabrique de l'Histoire. Bonjour Leonardo Padura. Bonjour. Votre dernier livre, c'est Hérétique, un formidable roman qui nous transporte à différentes périodes, à la période des années 30, 40, 50 à Cuba, puis ensuite dans l'Amsterdam de Rembrandt, et puis pour finir, les dernières années à Cuba, dans les années 2006-2008. Quel est votre rapport au temps, en tant que romancier, mais aussi amateur d'histoire? Yo creo que un novelista, sobre todo, es un contador de historias. Je crois qu'avant tout, un romancier, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Y uno tiene que buscar y encontrar las historias donde quiera que ellas estén. Et il faut donc, tout romancier doit trouver des histoires où elles se trouvent. Muchas veces, en el presente, uno encuentra buenas historias que merecen la pena ser contadas. On trouve souvent dans le présent des bonnes histoires qui méritent d'être racontées. Y otras veces, las encuentra en el pasado histórico. Mais d'autres fois, on les trouve dans le passé historique. Esta es una novela que casi que se corresponde a su título, es una novela hereje. Ce roman, en fait, il correspond à peu près à son titre. C'est un roman hérétique. Porque como ya tú anunciabas, es una novela que recorre distintos periodos históricos desde el siglo XVII hasta el presente cubano. Puisque, comme vous le disiez vous-même, c'est un roman qui englobe plusieurs périodes historiques qui vont du XVIIe siècle à l'an 2000 à Cuba. Y traté de escribir una novela en que se contaran tres historias fuertes, atractivas. J'ai essayé d'écrire un roman où je raconte trois histoires, des histoires fortes, des histoires qui attirent l'attention. Con una especie de epílogo, que es la cuarta parte, donde de alguna forma se aclara cómo estas historias están conectadas entre sí. Avec un épilogue, une quatrième partie qui éclaire finalement comment ces trois histoires sont liées les unes aux autres. Un ejemplo de algo que puede ser motivo de interés para cualquier lector o para cualquier escritor. Un exemple qui peut être intéressant pour tout écrivain ou pour tout lecteur. Pudiera ser la vida de Rembrandt, que es uno de los personajes de la novela. C'est cette vie de Rembrandt qui est un des personnages du roman. Que además es el culpable de la conexión de las tres historias. Qui en plus est finalement le coupable du lien entre les trois histoires. Y fue muy agradable investigar sobre la vida de Rembrandt, conocer a profundidad la vida de Rembrandt. Et ça a été une tâche très agréable d'enquêter sur la vie de Rembrandt, d'approfondir mes connaissances sur sa vie. Pero fue muy agónico saber cómo pintaba Rembrandt. mais ça a été extrêmement difficile de comprendre comment peignait Rembrandt. Alors, évidemment, vous travaillez sur votre territoire, sur Cuba, sur l'Amérique latine. On a lu avec une passion incroyable L'homme qui aimait les chiens, puis les précédents livres que vous avez écrits. Mais là, ça vous oblige à vous documenter, d'aller travailler sur le siècle d'or hollandais avec Rembrandt et d'une certaine façon de vérifier certaines de vos hypothèses. Comment travaillez-vous ? Avec quelle documentation avez-vous travaillé ? Quels conseils d'historien avez-vous pris pour pouvoir vous dire, bah, tout compte fait, je suis bien là où je veux être avec mon personnage ? Si. Siempre que uno trabaja con personajes históricos reales, uno tiene que partir de una investigación. À chaque fois qu'on travaille avec des personnages historiques réels, il faut bien sûr partir d'une enquête. Afortunadamente, Holanda, en el momento en que Rembrandt está haciendo su obra, el periodo de Rembrandt, era parte de España. Heureusement, la Hollande, à l'époque de Rembrandt, et donc à l'époque qui m'intéressait, la Hollande faisait partie de l'Espagne. Y por lo menos históricamente está muy bien documentada por historiadores españoles. Ou en tout cas, du point de vue historique, justement, cette période-là aux Pays-Bas est extrêmement bien couverte par des historiens espagnols. Pero lo que más difícil me resultó encontrar fue información sobre la vida cotidiana. Mais ce qui a été le plus difficile à trouver, c'est les informations sur la vie quotidienne. Estamos hablando de una ciudad que se convirtió en el centro del mundo. Nous parlons d'une ville qui à l'époque était le centre du monde. El siglo de oro de la pintura holandesa se corresponde con el siglo de oro del comercio, de la economía holandesa. Le siècle d'or de la peinture hollandaise correspond exactement au siècle d'or de l'économie et du commerce aux Pays-Bas. Y hay una cantidad enorme de relaciones históricas, pero hay una cantidad enorme de relaciones humanas que están ocurriendo en esos momentos en este lugar. Donc bien sûr, il y a des tas d'événements historiques qui arrivent à cette époque, mais il y avait aussi des tas d'événements humains. Hace unos días un periodista me preguntaba, bueno, y evidentemente tú tienes auxiliares de investigación para escribir estas novelas. Et donc, il y a quelques jours, un journaliste m'a demandé, évidemment, vous avez des assistants pour vous aider à vous documenter quand vous écrivez sur des périodes historiques. Y yo le decía, no, yo lo que tengo son personas que me ayudan a conseguir determinados libros que es imposible conseguir en Cuba. Et j'ai répondu, non, ce dont je dispose, c'est de gens qui m'aident à trouver les livres qu'il me faut et des livres qui sont à peu près impossibles à trouver à Cuba. Porque el novelista es una expresión hispánica que se me ocurre como la más adecuada, tiene que pasarse por debajo del bigote toda la información posible. Parce que le romancier, il faut qu'il emmagasine, l'expression espagnole est plus imagée, mais elle dirait littéralement passer sous la moustache, ça veut dire engloutir d'une certaine façon tout ce qui était à sa portée. En ese proceso, por ejemplo, yo descubrí un elemento de la vida de Rembrandt que me fue absolutamente revelador de su carácter. J'ai par exemple découvert à ce moment-là un élément de la vie de Rembrandt qui m'a paru tout à fait révélateur quant à son caractère. Rembrandt, se dice en sus biografías, era un hombre de bastante mal carácter, mala leche, como se dice en español. À peu près tous les biographes de Rembrandt le décrivent comme un type qui a mauvais caractère. Y encontré en un libro un dato que decía que en muchas de las pinturas de Rembrandt se le veían los dientes oscurecidos. Et j'ai trouvé un élément dans un des livres sur Rembrandt, on disait que dans beaucoup des toiles de Rembrandt, on trouve des personnages avec des dents noircies. Y es que en esa época, en la época de Rembrandt, en Ámsterdam existía una gran cantidad de refinerías de azúcar. C'est qu'à cette époque, à Amsterdam, il y avait un nombre très important de raffineries de sucre. Y se pusieron de moda unos caramelos que eran como parecido a los chupa chups, no sé, algo así, oui, ¿no? Unos caramelos con un palillo. Oui, donc en fait, il y avait à la mode des bâtonnets de sucre qui peut ressembler d'une certaine façon aux sucettes actuelles avec un petit morceau de bois fiché dans un morceau de sucre. Y Rembrandt se hizo adicto a esos caramelos y le acabó con la dentadura. Et Rembrandt est devenu un addict de ces sucettes de l'époque et cette ingestion de sucre a eu raison de sa dentition. Y sufría mucho de dolores de muela. Et il souffrait en permanence de maux de dents. Cuando alguien sufre con frecuencia de dolores de muela, te imaginarás que es lógico que tenga mal carácter. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un qui a tout le temps mal aux dents, c'est assez logique qu'il soit tout le temps de mauvaise humeur. Para la historia con mayúscula, ese es un dato insignificante. Évidemment, pour la grande histoire, c'est une information qui n'a aucun intérêt. Para la historia dramática de una novela es un elemento valiosísimo. Et pour l'histoire dramatique d'un roman, c'est évidemment une information qui a une valeur inestimable. Y a lo mejor ningún auxiliar de investigación se iba a fijar en ese dato. Tenía que buscarlo yo y encontrarlo yo. Aucun documentaliste travaillant pour moi n'aurait sans doute remarqué cela et il n'y avait que moi qui pouvais trouver ça. En el caso específico de Rembrandt ocurre algo muy curioso. Existe... se conserva un solo documento escrito por Rembrandt. Dans le cas de Rembrandt, il y a une donnée intéressante, c'est qu'il existe un seul document manuscrit de la main de Rembrandt. Puede ser que existan otros que no se hayan encontrado, pero hasta ahora tenemos uno solo. Il est possible qu'il y en ait d'autres qu'on ne les a pas encore trouvés, mais que je sache, pour le moment, on n'en a qu'un. Y que es simplemente la reclamación de un pago que le debían, de un dinero que le debían. Et donc c'est juste un papier où il réclame le paiement pour une somme d'argent qu'on lui devait. Es decir, que la imagen que tenemos de Rembrandt es una imagen que han construido los historiadores con posterioridad. Donc l'image qu'on a de Rembrandt est très largement une histoire qui a été construite a posteriori par les historiens. En una época en la que no existía la misma conciencia de la historia que existe hoy. À une époque où la conscience de l'histoire n'était pas la même que celle qu'on en a aujourd'hui. Pero en ese mundo de Rembrandt aparecen otros personajes históricos que con mayor o menor peso le dan carácter a ese tiempo histórico. Mais il n'y a pas que Rembrandt, il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent autour de Rembrandt et qui permettent aussi de donner plus de vie et de caractère à cette époque. Sobre todo, hay dos que tienen la ventaja de que fueron escritores. Et il y en a en particulier deux qui ont le grand avantage d'être aussi des écrivains. Uno es el rabino, amigo de Rembrandt, y profesor del discípulo de Rembrandt, Menasses Ben Israël. Es un personaje real que era escritor. L'un est Ben Israël, qui est un rabbin et ami de Rembrandt, donc qui est un personnage historique qui a existé et dont on a les écrits. Y un personaje que es una sombra, pero que me ayudó mucho a entender el contexto de la época. Et il y en a un autre qui est comme une ombre, mais qui m'a beaucoup aidé à comprendre le contexte historique de l'époque. Baruch Spinoza. Qui est Spinoza. Yo pensé por un momento extender la historia hasta que llegara Spinoza históricamente. J'ai même pensé à un moment étendre l'histoire pour permettre l'arrivée de Spinoza dans l'histoire. Pero decidí detenerme porque iba a entrar en una etapa mucho más complicada y con un personaje mucho más complicado. J'ai décidé d'arrêter là parce que ça aurait entraîné des complications extrêmes pour mon travail. Le personnage est beaucoup plus compliqué. Alors justement, quelles limites vous donnez-vous quand vous travaillez sur l'histoire? C'est-à-dire, vous vous dites un personnage central, important, Trotsky par exemple, un autre comme Rembrandt, et puis beaucoup de personnages secondaires qui, eux, sont des personnages moins connus. Comment faites-vous pour faire la dose? Parce que d'une certaine façon, vous pourriez avoir envie de faire comme le film de Daryl Zanuck, Le jour le plus long, c'est-à-dire d'avoir Eisenhower, tous les grands généraux de l'armée américaine arrivant en 1944 en Europe, et vous dire, tout compte fait, je peux mettre dans ce livre tous les grands personnages historiques de l'époque. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche justement dans cette tentative de tout raconter d'une époque? Si, yo Por lo menos, este es mi concepto. Bon, alors, selon moi... El novelista que se refiera a la historia no puede traicionar la esencia de la historia. Le romancier qui se confronte à l'histoire ne peut pas trahir l'essence de l'histoire. Yo hago investigaciones muy profundas porque a partir de ese conocimiento puedo ganar en libertad de movimiento. Je mène des recherches très poussées et d'autant plus poussées que parce qu'elles sont poussées, ça me donne de la liberté après. Porque sé que puedo moverme en la historia sin alterarla en lo fundamental. Parce que je sais que je peux circuler dans l'histoire sans l'altérer de façon grave. Y cuando hay un vacío en la información, lo puedo rellenar con ese conocimiento histórico que tengo. Et que quand il y a un vide dans l'information, je suis capable de le remplir grâce à ces connaissances historiques que j'ai acquises. El novelista histórico tiene una responsabilidad social muy grande. Le romancier historique a une responsabilité sociale très importante. La letra impresa tiene un prestigio. Il y a un prestige de la lettre imprimée. Porque cuando tú publicas una novela de carácter histórico, una gran parte de los lectores aceptan como verídico, como real, la información que tú le estás dando. Parce que quand on publie un roman historique, un très grand nombre de lecteurs tiennent pour vrai toutes les informations qu'on leur donne. Y creo que no tienes derecho a falsear la historia en función de intereses dramáticos, novelescos. Et je ne crois pas qu'on ait le droit de falsifier l'histoire au nom de ses propres intérêts dramatiques. Vous savez que beaucoup d'historiens se posent cette question du passage à la fiction. Aujourd'hui, en France en particulier, beaucoup d'historiens hésitent, ne le font pas, ne vont pas jusqu'à devenir romanciers d'histoire, mais vont jusqu'aux dernières limites possibles, là où les documents parlent encore, et puis se disent « je ne peux pas aller au-delà ». Mais ils ont vraiment envie de cela, parce qu'ils ont l'impression que les romanciers ont plus d'audience, qu'ils arrivent à faire passer au prix d'un plus large public l'intérêt pour le passé, et qu'ils pourraient peut-être le faire. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des historiens d'aujourd'hui qui hésitent à passer à la fiction? Qu'est-ce que vous leur diriez en tant que romancier dans la fiction vous-même? La fiction et la historia son dos territorios cercanos, pero con leyes diferentes. Donc la fiction et l'histoire sont deux territoires proches, mais régis par des lois différentes. Porque la ficción es el reino de la libertad. La fiction est le royaume de la liberté. Y la historia es una ciencia. Et l'histoire est une science. El historiador que quiere escribir ficción sabe que tiene que ganar en osadía a la hora de presentar la historia. Tiene que ser más osado a presentar la historia. Oui, et l'historien qui veut écrire de la fiction sait qu'il doit faire preuve d'audace et que c'est seul l'audace peut lui permettre de passer à la fiction. Cuando yo escribí Le Palmier y l'Étoile, la novela de mi vida, tuve un problema con la historia. Quand j'ai écrit Le Palmier et l'Étoile, j'ai eu un problème par rapport à l'histoire. Era mi primera novela propiamente histórica. C'était mon premier roman réellement, vraiment historique. Y yo quería saberlo todo. Estaba trabajándola con espíritu de historiador. Et je voulais tout savoir, donc je travaillais vraiment avec l'état d'esprit d'un historien. Y me di cuenta en un momento que yo no necesitaba seguir más allá en el conocimiento de la historia porque yo no quería escribir historia. Et je me suis rendu compte à un moment qu'il fallait que j'arrête et que ça ne servait à rien que je continue à amasser des informations sur le terrain de l'histoire parce que c'était pas de l'histoire que je voulais écrire. Uno tiene como novelista que conocer la realidad del proceso histórico. Comme romancier, il faut connaître la réalité du processus historique. Y conocer lo suficiente del personaje para que funcione en ese proceso o contexto histórico. Et en savoir assez sur le personnage pour que ce personnage fonctionne dans ce contexte historique. Y no es la función del novelista analizar o teorizar sobre la historia. Mais ce n'est pas le rôle du romancier de théoriser ou d'analyser l'histoire. Es poner a los personajes a actuar en la historia. Il s'agit de faire que les personnages agissent dans l'histoire. Por supuesto, existen tantas excepciones posibles como ejemplos de novelas que hoy consideramos históricas a lo largo de los últimos siglos en la cultura occidental. Bien sûr, il y a tout un tas d'exceptions, il y a tout un tas de romans que nous considérons comme des romans historiques aujourd'hui dans la culture occidentale. Pero yo creo que una de las grandes claves de qué cosa es la historia y qué cosa es la novela histórica. Mais je crois qu'une des grandes clés pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire et qu'est-ce que c'est que le roman historique es la Cartuja de Parma de Stendhal. C'est la Chartreuse de Parme de Stendhal. Que cuenta la historia desde un ángulo muy especial, que no tiene nada que ver con la gran historia, pero a la vez te está explicando esa gran historia. Qui raconte l'histoire d'un point de vue extrêmement particulier, qui apparemment n'a aucun lien avec la grande histoire, mais qui est une fenêtre sur la grande histoire. Y si quieres entender qué cosa fue Rusia en el siglo XIX, tienes que leer Guerra y Paz. Et si tu veux comprendre ce qu'a été la Russie au XIXe siècle, si vous voulez comprendre ça, il faut évidemment lire Guerre et Paix. Que además es más agradable de leer que los libros de los historiadores rusos. Y en plus, c'est quand même plus agréable à lire que les livres des historiens russes. Merci beaucoup, Leonardo Padura, d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous, René Solis, de l'avoir traduit aussi brillamment. Merci encore. Muchas gracias. Il est 9h28 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire. Nous sommes dans une semaine qui commence autour de la question des collections et des collectionneurs. Vous venez d'entendre Leonardo Padura qui vient de publier son dernier livre Hérétique chez Métellier autour justement de la question d'un tableau qui circule de main en main depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous avons pour invité pour cette deuxième partie de La Fabrique de l'Histoire de ce lundi autour de cette collection et de ses collectionneurs et en l'occurrence des collectionneuses, Julie Verlaine. Bonjour Julie Verlaine. Et nous sommes avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec Bonjour. Nous. Bonjour Séverine. Alors Julie Verlaine, vous avez publié il y a quelques mois, juste avant l'été, et c'est Séverine Yattard qui nous l'a donc conseillé, un beau livre aux éditions Azan, Femmes collectionneuses d'art et mécènes. Et tout compte fait, on se dit, oui, c'est peut-être un sujet, mais est-ce un sujet si neuf? Et en vous lisant, on apprend qu'effectivement, le terrain n'a pas été labouré très souvent auparavant. Non, il n'a pas été élaboré très souvent. Il y a beaucoup d'aspects pour lesquels ce livre est assez pionnier. Parce que en lisant des choses sur les collections, les collectionneurs, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui était écrite au masculin et au masculin pluriel, avec une attention des historiens d'art pour les hommes. Les exemples les plus fréquemment cités sont des exemples de collectionneurs. Et la question que je me suis posée, c'est que se passe-t-il quand on adopte un regard qui prend en compte le genre et qu'on essaie de reconstituer une histoire des collectionneuses. Alors ça va très loin parce que Julie Verlaine, vous dites dans votre introduction par exemple que Christophe Pomian, grand spécialiste et grand historien des collections et des collectionneurs, ne voit pas l'utilité finalement d'adopter une perspective du genre en ce qui concerne les collectionneurs en Europe. Alors, aux États-Unis, certes, mais... Il a une petite concession, il dit quand même que les Américaines valent le coup d'être un petit peu étudiées. En revanche, tout ce qui concerne des pratiques féminines de collection en Occident, sur le vieux continent, n'a pas l'air de lui sembler quelque chose d'intéressant pour la science historique. Alors, vous dites les Américaines. Moi, j'ai d'abord découvert en vous lisant qu'il y avait un mouvement qui est le mouvement contraire du mouvement de la Terre, à savoir exactement inverse, un mouvement d'ouest en est, dites-vous, puisque vous vous intéressez à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à ces collectionneuses d'art et mécènes, Julie Verlaine, jusqu'à aujourd'hui. Et que tout compte fait, effectivement, le point de départ, ou un des points de départ, même si on peut en discuter, c'est, puisqu'il y avait évidemment auparavant Isabelle d'Este, Catherine de Médicis, Catherine de Russie, en tout cas, dans ce 19e siècle, c'est plutôt l'Ouest américain qui commence. Oui, l'entrée dans une forme de modernité de la collection se fait dans des pays industrialisés. Et c'est une nouvelle élite, une élite des patrons de l'industrie, des manias, qui va voir se développer en son sein certaines pratiques féminines qui, dans un premier temps, d'ailleurs restent cantonnés à la sphère de l'intime, à la maison, et qui progressivement vont sortir. Et effectivement, il y a un mouvement géographiquement tangible qui va partir des États-Unis, du Canada aussi, pour gagner les pays, enfin, l'Angleterre, le Royaume-Uni, et puis la France, l'Allemagne, dans une scansion générationnelle assez visible. Alors, vous dites les maniens de l'industrie du 19e siècle, mais auparavant, il y avait bien des collections. Quelle est la différence de nature entre les collections des nobles européens, par exemple, telles qu'elles étaient construites, mettons, avant la Révolution française, au 18e siècle, et puis ces premières collections faites à l'âge industriel par des collectionneuses, en particulier du 19e siècle. Il n'y a pas de différence radicale. Hein. On ne peut pas poser un modèle aristocratique pré-révolutionnaire et un modèle post-révolution industrielle. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les collections assemblées par des hommes comme par des femmes à partir des années 1870-1880 sont des collections qui sont le reflet d'une réussite économique et sociale de ceux qui la constituent. Et ces grands manias, leurs épouses, leurs veuves, bien souvent, constituent cette collection avec une fortune qui a été amassée grâce à des placements judicieux, à une activité dans l'industrie, dans la banque, dans la finance. Et cette collection reflète leur réussite sociale individuelle, là où auparavant on était quand même dans une logique de philanthropie, de mécénat qui était liée à un rang. Là, on est dans quelque chose qui est très individualiste finalement. Séverine. Alors, par exemple, vous nous parlez dans ce beau livre, Julie Verlaine, d'Isabella Stewart Gardner, qui justement est une épouse, puis une épouse qui perd son mari et qui va s'investir d'abord dans le mécénat. Puis ensuite, effectivement, qui va se préoccuper d'acheter, de mettre en place des collections. Oui, Isabella Stewart Gardner. Une des premières, vous dites. Un excellent exemple de la manière dont la collection a pu être aussi un instrument d'émancipation politique et culturelle pour certaines femmes de l'élite occidentale au tournant 19e, 20e. Et par exemple, Isabella, qui d'ailleurs fait une fixation sur Isabelle d'Este, et cette image de la Renaissance qui la poursuit beaucoup, va constituer à Boston, où elle réside, un palazzo, un palais vénitien qui va être l'écrin de sa collection. Et donc on est encore dans une logique qui n'a pas rompu avec la logique de la maison, puisque c'est son lieu d'habitation, mais aussi le lieu d'exposition de sa collection. Et progressivement, cet écrin va être ouvert au public et devenir un musée dont elle fixe à sa mort par voie testamentaire un certain nombre de dispositions très contraignantes pour que ne soit pas dilapidée, pour que ne soit pas défigurée cette collection. Cette Isabella Stewart Gardner va d'ailleurs devenir un modèle littéraire, puisque vous expliquez que c'est le modèle du portrait de la Lady de Henry James, qui montre justement une jeune héritière américaine en révolte contre son milieu et qui vient d'une certaine façon se ressourcer en Europe et reprendre des forces en Europe parce que, évidemment, le milieu ne lui correspond pas. Il y a une liberté pour ces jeunes américaines quand elles font leur fameux tour d'Europe, qu'elles visitent quelques capitales, c'est évidemment Paris et Londres en particulier. Elles découvrent à ce moment-là une certaine forme de vie de bohème qui est un petit peu plus dégagée du carcan de l'Amérique puritaine. Et c'est vrai que le contact avec l'art se double toujours d'un contact avec d'autres modes de vie et d'autres façons d'appréhender une existence féminine. Alors, c'est cette question du voyage, en fait, hein, qui est émancipateur, qui ouvre des horizons, tout à fait. Autre figure de cette fin 19e siècle, une figure qu'on connaît peu, bien que le musée qui porte son nom soit très connu, c'est Nelly Jacquemart, donc le musée Jacquemart-André. On vient d'y ouvrir une exposition sur le Pérugin, maître de Raphaël. Et cette Nelly Jacquemart est une peintre qui se marie tardivement avec un mari qui, visiblement, a quelques problèmes de maladie auparavant. Il s'appelle Édouard André et il va mourir plutôt qu'elle. Mais entre-temps, ils auront véritablement constitué tous les deux une très grande collection, elle étant le moteur, semblez-vous dire, de cette collection. Et une fois que son mari est décédé, va encore continuer un peu plus tard, jusqu'en 1912, date de sa mort, à créer une véritable collection considérable. Oui, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est notamment que beaucoup de femmes collectionnent avec leur mari et qu'il y a une activité conjugale autour de la collection qui suppose, vous l'avez dit, le voyage Des grands voyages, souvent d'ailleurs exploratoires. Nelly Jacquemart et Édouard André vont jusque en Égypte, vont jusqu'au Moyen-Orient et ils et en rapportent beaucoup. En Italie énormément et ils en rapportent des caisses entières qui d'ailleurs souvent leur arrivent plusieurs mois voire plusieurs années après le voyage et qu'ils ouvrent avec une émotion, un frétillement assez intéressant. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a cette invisibilité, c'est-à-dire qu'on oublie que Nelly Jacquemart a sa propre responsabilité, autonomie dans le fait de constituer une collection et qu'on elle a, garde elle toujours elle en elle mémoire a uniquement la conscience de son mari. Ce risque d'oubli et c'est elle qui a tenu à ce que l'hôtel particulier puis le musée porte son nom aussi, que ce ne soit pas l'hôtel André mais que ce soit l'hôtel Jacquemart André, comme si elle sentait qu'il y avait ce risque d'occultation que l'on constate pour des dizaines d'autres collections. Alors c'est la question de l'autonomie aussi financière de ces femmes, du fait de vaquer dans des milieux qui sont plutôt masculins. Comment vous analysez cela? Alors, ça change selon les périodes, voilà, bien sûr. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'entre une génération de la fin du 19e siècle et celle du premier 20e siècle, l'amélioration des conditions juridiques de propriété des femmes fait énormément pour le progrès de l'autonomie, de la fortune, de la gestion de la fortune de ces femmes. Et beaucoup de collectionneuses de la fin 19e sont souvent des veuves. Elles ont perdu leur mari et sont devenues, de fait, gestionnaires de la fortune conjugale. Un peu plus tard, le modèle se modifie un petit peu et ce sont souvent des femmes qui, alors pour certaines, ont hérité de la fortune familiale et pour d'autres, réussissent à se constituer des biens et donc disposer en toute autonomie de leur fortune. Alors cette fin du 19e siècle que vous décrivez dans votre livre Julie Verlaine, femme collectionneuse d'art et mécène chez Hazan, c'est à la fois Nelly Jacquemart, c'est Isabella Stewart Garner, mais c'est aussi Béatrice et Frusci Rothschild, c'est Marie-Louise Aronati Visconti, ce sont des personnages comme ça. Et vous dites que la particularité, c'est qu'on les a d'abord cantonnées au foyer, bien évidemment, comme toute femme qui se respecte à cette époque-là. Et ensuite, elles vont prendre la responsabilité de dire « on a quelque chose à dire au monde ». On a quelque chose à montrer au reste du monde d'une certaine façon et elles vont progressivement ouvrir leurs collections, les donner parfois, les donner en particulier à l'Institut de France, les donner au Louvre. En tout cas, et puis même quand elles sont encore vivantes de leur vivant, c'est à faire en sorte qu'elles interviennent dans l'espace public et non plus simplement dans l'espace de leur foyer, Julie. Oui, il m'a semblé que la collection était un excellent moyen pour certaines de ces femmes dont l'idéologie ambiante patriarcale voulait les cantonner à leur foyer. La collection était un moyen de sortir de la maison en toute légitimité, puisque finalement, le monde de la culture était un monde où les femmes étaient plus tolérées que le monde de la politique. Et donc, pour certaines de ces femmes, vous en avez donné des noms tout à l'heure, la collection, justifiée par l'impératif de décoration dans un premier temps, a été un moyen pour faire des premiers pas dans l'espace de la cité, en participant à des ventes aux enchères, en exposant leur collection et in fine en la transmettant à la communauté par des dons, par des legs ou par la création de musées spécifiques. Alors, un personnage qui arrive un petit peu plus tard, comme Elena Rubinstein, vous dites. Alors, Elena Rubinstein, c'est pas tant le contenu de ses collections qui peut paraître hétéroclite ou impressionnant, mais c'est la première femme qui va constituer une collection de par ses revenus, les revenus qu'elle a gagnés elle-même. Donc là, on est dans l'autonomie complète. Oui, il y a vraiment, au milieu du XXe siècle, sans qu'on puisse donner de date précise, l'inversion d'un mouvement qui est que les premières femmes qui ont réussi professionnellement, qui se définissent d'ailleurs souvent comme des businesswomen, réussissent à assembler une collection qui reflète leur réussite. Et donc, il y a finalement un effet de miroir par rapport au mania de l'industrie du 19e. C'est au milieu du 20e siècle que ces femmes constituent une collection avec la fortune qu'elles ont assemblée. Et ces fortunes, elles viennent du domaine des cosmétiques, comme Hélène Rochas. Donc, la beauté. De la beauté, comme Hélène Rochas. De la haute couture, hein, c'est évidemment Gabrielle Chanel, par exemple. Donc, des femmes qui ont une réussite professionnelle évidente, qui sont importantes dans la scène culturelle et cosmétique et de la couture de leur époque et qui, à côté de leur activité professionnelle, ont assembler cette collection, qui est un faire-valoir, qui est une manière de se représenter aux yeux du monde. Donc là, on a un modèle beaucoup plus actif de collection féminine. Il faut dire qu'on a oublié une étape, puisque vous avez divisé la période en quatre étapes, la période 1890-1905, dont on a parlé avec Nelly Jacquemart ou Isabella Stewart Gardner, mais aussi la période 1905-1930, avant cette période dont parlait Séverine, c'est-à-dire 30-70 et l'autonomisation. Et cette étape, c'est quand même une étape de pionnière très particulière, cette étape de 1905 à 1930. C'est un moment où on voit l'affranchissement sur un autre domaine, qui est un domaine plus moral, plus sexuel aussi, des femmes qui constituent une collection qui est très souvent en prise sur l'avant-garde esthétique. C'est des collections cubistes, des collections surréalistes. C'est Gertrude Stein, c'est Gertrude Whitney, c'est Marie-Laure de Noailles. Exactement, qui... font de la collection, de l'activité de commande à des artistes et d'achat d'œuvres d'art dans les ateliers le plus souvent, qui font de cette activité-là l'une des manières d'affirmer leur réticence à entrer dans les schémas, à un ordre bourgeois, à un ordre conventionnel. Et donc la rupture avec les normes établies, elle passe dans le domaine des comportements personnels par une liberté à tout point de vue, et puis dans le domaine culturel par des choix très audacieux qui vont aller vers Picasso, qui vont aller vers Man Ray, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, dès 1905-1906 pour Gertrude Stein, c'est justement Picasso. Mais c'est aussi la photographie. Vous dites, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont d'une certaine façon plus ouvertes que leurs collègues collectionneurs masculins. Elles savent qu'il y a quelque chose là pour pouvoir s'affirmer, l'avant-garde cubiste ou la photographie, pour pouvoir faire des collections plus originales, différentes des hommes qui collectionnent. Mais parce que c'est pas reconnu aussi. C'est que dans ce sens-là, comme elles sont elles-mêmes dominées, elles s'occupent d'un art qui n'est peut-être pas encore reconnu comme tel. Voilà, on se rend compte qu'il y a un peu le même phénomène pour des femmes qui vont s'adonner à la photographie, donc la découverte de la photographie comme médium pour beaucoup de femmes artistes, et la découverte par des collectionneuses de ce vaste champ d'œuvres d'art encore à légitimer, que sont les photographies. Et alors, moi, j'ai découvert l'existence en vous lisant, par exemple, des ladies du MoMA. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, ces femmes collectionneuses, pour beaucoup d'entre elles, avaient un souci de la transmission, de la postérité. Et elles avaient notamment l'ambition de transformer la scène culturelle occidentale. Et à l'origine de beaucoup de projets de création de musées se trouvent des femmes. Par exemple, au Museum of Modern Art de New York, dont on se souvient bien du premier directeur, Alfred Barr, mais dont on oublie bien souvent que le projet de création a été établi par trois femmes, toutes trois collectionneuses, réunies dans des événements mondains ou plus privés à New York, et que ce sont ces femmes qui ont eu l'idée d'établir à New York un grand musée de l'art moderne ouvert aux avant-gardes historiques. Et ces femmes, ce sont notamment Abby Rockefeller, qui est une des grandes collectionneuses et qui a été oubliée ensuite dès lors qu'on s'est mis à écrire l'histoire du MoMA. Séverine Yatard. Il y a aussi, donc, vous parlez de famille ou de sœurs, je pense aux sœurs Schlumberger plus exactement, qui vont toutes, alors l'aînée davantage que ses cadettes, mais qui vont constituer alors des collections. Donc, alors c'est un moment particulier, c'est aussi le moment de la guerre, donc elles doivent partir aux États-Unis, à Houston, et là, une fois sur place, cet empire donc industriel. Fonctionnant, elles vont se consacrer à mettre en place des collections avec, alors, quelle attitude adopter? Une éducation protestante, une culpabilité, vous dites, à justement acquérir des œuvres extrêmement onéreuses, évidemment. Ce qui est très intéressant avec le cas de ces trois sœurs Schlumberger, c'est qu'on a la possibilité là d'établir à la fois ce qui ressort d'une éducation et d'une sensibilité familiale, en l'occurrence effectivement une éducation protestante, une attention à la culture, une volonté, comme vous le disiez, de ne pas garder pour soi les profits industriels générés par cette immense entreprise florissante qui est l'entreprise Schlumberger. émerger à l'époque, et d'un autre côté, des goûts individuels. Donc les trois sœurs, qui vont devenir Dominique de Ménil, Sylvie Boissonnas et Anne Gruner-Schlumberger, les trois sœurs vont avoir des itinéraires très différents les unes des autres, des goûts qui sont pour certains communs, pour d'autres qui tirent dans des directions qui sont très subjectives. Et elles entraînent toute leur famille, hein, leurs époux, leurs enfants aujourd'hui qui sont très dynamiques actuellement. Elles les entraînent sur cette aventure de l'art moderne avec des points communs. Max Ernst, par exemple, le surréalisme en général, qui est lié aussi à leur expérience de l'exil au départ de la France pour les États-Unis en pleine Seconde Guerre mondiale et la rencontre avec d'autres expatriés comme Max Ernst. Et puis, des préférences individuelles en termes non seulement d'acquisition, mais aussi de valorisation de la collection. Dominique de Ménil fait construire pour sa collection à Houston un bâtiment pour la présenter, la fameuse collection de Ménil à Houston. Sylvie Boissonnas, elle, va être très liée au Musée national d'art moderne et animer pendant très longtemps la Société des Amis du Musée national d'art moderne, tout en ayant un projet à Flaine de valorisation de l'art contemporain dans la montagne française. Et puis Anne Gruner-Schlumberger, elle, imagine dans un domaine du sud de la France, le domaine des Treilles, un lieu de création, de résidence d'artistes. Donc elles ont toutes les trois différents moyens de lier collection personnel et ouverture mise en valeur, au public et au créateur. Si on en vient à la dernière partie de votre ouvrage, vous dites que là, que le travail est encore plus difficile parce qu'évidemment, si on travaille sur le 19e siècle, on a 3, 4, 5 exemples à se mettre sous la dent en tant qu'historienne comme vous l'êtes, Julie Verlaine. Mais à partir des années 70, là, on est dans un contexte où l'éclatement du marché de l'art, la diversité des rapports avec cet art, la façon d'envisager même une collection a profondément changé. Et il y a une visibilité médiatique nouvelle de ces femmes collectionneuses qui ne sont plus donc cantonnées dans l'invisibilité dans laquelle elles étaient à l'orée du XXe siècle. Et ces femmes semblent de plus en plus nombreuses et surtout se lancer dans des projets de collection qui, pour certaines, sont des projets de collection professionnels, pourrait-on dire. Ce sont des femmes qui, bien souvent, ont eu comme activité antérieure celle de galeriste ou de commissaire d'exposition, de curatrice, dit-on aujourd'hui, et qui, progressivement, se spécialisent dans leur collection, qui créent des lieux pour l'exposer, qui soutiennent des artistes avec des opérations de soutien à la création. Et elles semblent très nombreuses, ces femmes. Alors, très nombreuses, même si les grandes figures qu'aujourd'hui chacun peut avoir en tête, de giga collectionneurs, comme on les appelle parfois dans la presse, sont des figures masculines. Oui, François Pinault, etc. Par exemple. Mais néanmoins, justement, est-ce que ça pose un problème de se rapprocher, pour vous, en tant qu'historienne, du présent? C'est-à-dire, oui. Est-ce que c'est plus compliqué? Parce que d'abord, vous avez travaillé sur des archives qui étaient anciennes pour le 19e et le début du 20e siècle, mais aujourd'hui, évidemment, peut-être c'est plus compliqué, cette collection. C'est aussi un bien que l'on n'ouvre pas à tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que la dernière partie de l'ouvrage qui commence en 1970, elle fait le constat d'un changement d'air, d'un triomphe de l'individualisme dans ses collections privées. Après, les portraits que j'ai choisi de présenter, qui sont ceux d'Agnès B., d'Ingvild Goetz, de Patricia Sandretto pour l'Italie, sont les portraits de collectionneuses qui, à mes yeux, sont parmi les plus intéressantes, les plus riches en termes de parcours pour la période contemporaine. La postérité dira peut-être qu'il y avait d'autres exemples dont moi je n'ai pas pu avoir connaissance comme historienne et l'histoire sera à réécrire. C'est vrai, Julie, Julie Verlaine, alors vous avez des regrets? Parce qu'il y en a... Il y en a combien? Il n'y a pas uniquement celle que vous présentez dans votre ouvrage. Voilà, à l'origine de l'ouvrage, il y avait cette volonté d'écrire une synthèse sur l'histoire des pratiques féminines de collection en Occident. Et au point de départ de cet ouvrage, il y avait une liste exhaustive ou quasiment exhaustive de 500 noms. Et in fine, l'ouvrage qui a dû avoir une taille modeste, raisonnable, ne présente qu'une trentaine de figures de collectionneuses. Donc vous imaginez bien que les regrets intérêts sont assez nombreux, même si le choix il a été dur, il a été cornélien, mais je pense avoir choisi des figures qui sont suffisamment représentatives de leur époque, de certains choix, de certaines pratiques, pour faire quand même le tour de la diversité des pratiques féminines de collection. Vous pensez que c'est un chantier en cours, Julie Vernaine, que vous, oui, je pense que c'est un chantier qui mériterait d'être poussé et collectivement, puisqu'on ne peut pas seul faire cette immense histoire. Et notamment, c'est une histoire transnationale, et ça, j'y insiste beaucoup. La démarche, elle est féconde quand elle est comparative. On est vraiment dans la perspective d'une compréhension des circulations et des pratiques. Évidemment, les États-Unis sont très importants, mais ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a des pratiques européennes, françaises, italiennes, espagnoles notamment, qui sont décisives pour comprendre aussi les mutations de notre société et du statut des femmes dans notre société. Voilà, c'est donc un livre qu'il faut lire sur un beau livre, on le dit. Femmes collectionneuses d'art et mécènes, voilà. Femmes collectionneuses d'art et mécènes, c'est aux éditions Azan, Julie Vernaine. Il coûte 35 euros. Il est particulièrement bien illustré. Merci d'être venu nous présenter ces femmes collectionneuses sur lesquelles vous travaillez depuis un certain temps. On passe à la toute dernière partie de cette émission et va écouter un extrait de votre documentaire, le documentaire que nos auditeurs pourront écouter dès demain, que vous avez réalisé, Séverine Yatard, avec Françoise Camard, sur une collection bien particulière, puisque ce sont les collections de quelqu'un qui reçoit des cadeaux et qui ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce qu'il les garde pour lui ou est-ce qu'il les met dans un musée ? Eh bien, ce sont les présidents de la République. On s'offre soi-même, mais on s'offre aussi les moments historiques les plus remarquables du pays ou de l'histoire du pays. François Martin, conservateur du musée du Septennat et des musées de la Nièvre. Voilà, donc le Liban nous offre des gourdes qui datent du début de la chrétienté. On a en copie le radeau d'Eldorado, qui est effectivement cet empereur Parédor qui va faire offrande aux dieux dans un lac à côté de Bogota. En échange, on offre aussi moments de notre histoire, puisque effectivement la Révolution française est extrêmement appréciée. Liberté, fraternité, égalité. On promeut toujours cet esprit des Lumières à travers des cadeaux qui y font référence, soit dans l'écriture, soit dans les objets. C'est bien parce que finalement, bon, c'est des cadeaux qui sont faits à la France par l'intermédiaire de son président. Si tous les autres en avaient fait autant, alors ça serait, on n'aurait plus de place pour les mettre. Je suis d'origine russe. Et à Moscou, à l'époque, il y avait un grand musée de cadeaux de Staline. C'était un musée énorme. Et bon, ça me fait penser à ça un peu. Et là, nous sommes devant une figurine à l'effigie d'un sumotori. Enfin bon, on sait la passion de Jacques Chirac pour le sumo. Pour ce sport japonais, asiatique, effectivement, nous avons un rapprochement thématique assez important et puis une belle collection d'objets qui racontent l'art des sumo. Vincent Rigaud, directeur adjoint du musée du président Jacques Chirac. Nous avons une centaine de pièces qui racontent l'art des sumotori. En particulier, une pièce qui est une ceinture d'apparat qui est présentée en exposition permanente, offerte par un premier ministre japonais, qui est une ceinture qui a appartenu à un grand yokozuna, Yokozuna Takanohana. C'est une ceinture qui a été portée pour un grand basho, pour une grande cérémonie. C'est un objet, en fait, qui est assez lourd, qui pèse une dizaine de kilos. Cette ceinture recouvre un tablier brodé de fil d'or habituellement. Et là, c'est vraiment un symbole fort et de reconnaissance de l'amour que le président Chirac a pour l'Asie, pour le Japon et pour ce sport en particulier. Je dirais simplement attention aux voleurs, mettez des barreaux, fenêtres et des grosses serrures. Voilà, c'est quelques extraits du documentaire qu'on entendra demain, que vous avez produit, Séverine Yatard, avec Françoise Camard à la réalisation. Vous êtes rendue dans ces deux musées du Septennat. Donc là, à Saran, voilà, celui de Jacques Chirac, et l'autre à Château-Chinon, bien sûr, pour Mitterrand. C'est le musée du Septennat qui regroupe les deux Septennats, évidemment, de François Mitterrand. Alors, des collections absolument étonnantes par leur ampleur et par leur diversité. Il y a Il y a de tout. Il y a un petit côté art populaire et cadeaux de tous les Français, par exemple, à leur président. Mais il y a aussi des magnifiques cadeaux. Des chefs d'État étrangers, voilà, alors selon les périodes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, c'est une collection qui s'impose aux conservateurs du musée. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle collection? Hétéroclite. Ouais, hétéroclite. Et puis, ces cadeaux interrogent évidemment sur la fonction et la représentation présidentielle. À qui fait-on le cadeau? Au président, à la nation, sur le lien social, les enjeux diplomatiques, sur le don et le contre-don, sur le dialogue entre les cultures. Enfin, voilà, c'est un grand chantier, je pense, à étudier peut-être de manière plus approfondie d'ailleurs. C'est ce qu'on écoutera demain donc, dans le documentaire, donc, entre 9h05 et 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Mercredi, nous continuons notre série sur les collections, nous intéressant aux collectionneurs du 19e. Voilà, la figure du collectionneur au 19e qui change hein, par rapport à l'amateur du 18e. Peut-être on arrive vers une professionnalisation du collectionneur avec des pratiques de collection un petit peu différentes. Un mécénat qui va participer aussi à la préservation du patrimoine. Et donc, nous parlerons aussi des lieux, j'imagine, de vente, des espaces d'échange, des espaces d'exposition de ces collections. Pour terminer, jeudi, avec... Avec le monde antique et le grand transfert de collections depuis l'est de la Méditerranée, donc qui était encore sous l'égide, par exemple, de Marc-Antoine, qui se bagarrait avec le futur Auguste. Et puis, évidemment, comment, à partir de ce moment-là, eh bien, on a récupéré des statues grecques et qu'on les a ramenées dans de très grandes collections de mécènes. Et particulièrement, par exemple, on évoquera peut-être la figure de mécène qui a donné son nom au mécénat. Donc, de tous ceux qui, en tous les cas, dans des villas romaines, que ce soit dans le golfe de Naples ou du côté de Rome, ramener des grandes statues depuis l'est de l'Empire romain jusqu'à chez eux. Qu'est-ce qui étaient ces personnages? Pourquoi voulaient-ils le faire? On le verra entre autres avec Alain Schnapp, Yann Potin et Evelyne Prioux, qui est spécialiste des intérieurs romains de l'époque de l'Empire. On disait pour le 19e qu'il y avait un chamboulement. J'ai noté dans votre livre que vous dites ça aussi, Julie Verlaine. C'est-à-dire que le noble ennoblit l'œuvre qu'il fait rentrer dans sa collection, dites-vous, sous l'Ancien Régime, et au 19e, c'est le contraire. Oui, mais on est en train de changer de paradigme. Hein. Clairement, l'entrée dans l'ère industrielle, dans la modernité, dans le capitalisme, change un petit peu les rapports de pouvoir. Et on est à un moment où l'aristocratie n'est plus le modèle dominant en termes de hiérarchie sociale. Ça, on en parlera mercredi dans l'émission avec des archives et des lectures de textes, évidemment, pour accompagner ces archives. Et en compagnie de Manuel Charpie et Anne-Martin Fugier. Merci d'être venu présenter donc, cette semaine sur les collections. Séverine Yatard, je rappelle qu'on a parlé aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui du livre en première partie de Leonardo Padura, un roman qui nous conduit depuis le Cuba des années 30 à 50 jusqu'au XVIIe siècle de Rembrandt. Et avec vous, donc, Julie Verlaine, dans la deuxième partie de cette émission de Femmes collectionneuses d'art et mécènes parues aux éditions Hazan. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Élise Leu était à la technique et Renaud Delmar à la réalisation. Et un petit coucou, un petit bonjour à toutes celles et tous ceux que nous avons croisés, l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, pour les rendez-vous de l'Histoire de Blois qui nous ont marqué leur amitié et leur soutien pendant ces 3 jours de rendez-vous de l'Histoire. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion. Vous pouvez également aller discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Ne vous gênez pas, ainsi que nous suivre sur le réseau Twitter.